Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une méditation pour entendre le silence. Votre silence. Contrairement aux idées reçues, ce silence a des choses à vous dire et bien des choses à vous apprendre sur vous-même. Commencez par vous installer confortablement et fermez les yeux pour retrouver votre espace intérieur. Respirez profondément et posez votre attention sur les ondulations de votre corps provoquées par votre souffle. Sentez l'air pénétrer dans vos narines. Chatouillez votre gorge. Soulevez votre cage thoracique. Gonflez votre ventre. Puis ressortir tout naturellement. Laissez-vous doucement bercer par votre respiration et observez tous ces petits détails, les micro-mouvements de votre corps, les sons associés. Notez ces instants comme si vous le faisiez pour la première fois. Il est fort probable que vous soyez déjà submergé par votre brouhaha intérieur. Toutes ces petites pensées qui se bousculent dans votre espace. Accueillez-les toutes. Les plus anodines, comme les plus imposantes. Les plus neutres, comme les plus chargés émotionnellement. Laissez-les tourbillonner et prendre toute la place. Observez leur danse et l'écho qu'elles génèrent. Certaines disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. D'autres s'installent et prennent de plus en plus de place. Laissez-les juste être telles qu'elles sont. Regardez-les de là où vous êtes, sans vous laisser ensevelir. Progressivement, voyez comme elles s'amenuisent. Leur danse est moins rapide. Leur présence moins imposante. Elles s'espacent, se réduisent et elle se dissipe. Vous êtes là, seul avec votre souffle et les battements de votre cœur. Juste seul avec les mouvements de vie qui vous animent. Vous n'avez rien à faire de plus. Rien à réussir. Aucune obligation de résultat. Aucune contrainte. Tout est parfait tel qu'il est. Vous êtes ici et maintenant et vous écoutez juste le silence de votre âme. L'espace n'a plus d'importance, le temps n'a plus d'importance. Juste vous et vous-même. Et là, juste entre deux respirations, juste entre deux battements de cœur, une sensation, une émotion apparaît peut-être. Quelle est-elle ? Que percevez-vous de vous à cet instant ? Qui êtes-vous lorsque vous ne faites rien ? C'est ici que vous trouvez votre paix intérieure. Elle est précieuse. Elle est ressource. Elle est trésor. Elle est imperturbable et inaltérable. Respirez cette paix et nourrissez votre âme. Lorsque vous le désirerez, prenez lentement conscience de l'espace autour de vous. Projetez votre attention au-dessus de votre tête. Sur votre côté gauche. Sur votre côté droit. Derrière vous, et enfin devant vous. Observez les ondes de votre corps en contact avec le support sur lequel vous êtes installé. Réintégrez lentement votre corps. Vous êtes de nouveau ici, dans cette pièce, en pleine conscience de vos ressentis. Prenez un instant pour vous étirer lentement et tout votre temps pour rouvrir vos yeux lorsque la cloche retentira. Félicitez-vous pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé et passez une très belle journée. À bientôt.